Salut à tous, soyez bienvenus sur Parle Eurovision et sur l'Eurovision quotidien. Et vous l'avez certainement reconnu à cet accoutrement que certains et que d'aucuns ne qualifient de ridicule. Eh bien, nous allons parler de l'Estonie. Non, évidemment non. On va parler de la Belgique, bien sûr. Quelle bonne blague. Il faut toujours commencer avec des bonnes petites blagues. Le panel est évidemment toujours là. Et donc aujourd'hui, eh bien voilà, la Belgique qui est représentée. Enfin, dirait pas mal d'Eurofans, hein, si on était fallait, par Overphonic, avec sa chanson Release Me. C'était donc eh bien, la partie flamande, hein, au diffuseur flamand de choisir, parce qu'on rappelle la Belgique, c'est très compliqué. Et il y a donc deux diffuseurs de l'Eurovision qui alternent une année sur deux. On a les Flamands d'un côté, les Wallons de l'autre qui choisissent. Les Wallons, c'est la partie francophone, les Flamands, la partie néerlandophone. Et donc, du coup, ils vont continuer l'an prochain, puisque Overphonic reviendra en 2021. Pour l'Eurovision, et ça, c'est quand même une bonne chose. C'est toujours bien, je trouve, et je pense que vous serez d'accord, quand les artistes choisissent cette année. Peuvent revenir l'an prochain, c'est assez sympathique. Allez, on va, bah tiens, on va quand même commencer avec le Belge, notre caution belge quand même. Il faut bien commencer avec lui. Naïm, ce que tu penses de Release Me? Oh Belgique, oh mère patrie. Ah voilà. C'est beau. Si c'est vraiment l'hymne qu'il fallait pour entamer cette vidéo. Si on m'avait dit il y a 20 ans de ça que Overphonic représenterait un jour la Belgique à l'Eurovision, j'aurais eu du mal à le croire. Il y a 20 ans de ça, c'est en l'an 2000, c'est à ce moment-là que j'ai fait leur connaissance et que j'ai tout de suite aimé leur chanson. Et donc, c'est aussi intéressant de voir à quel point l'Eurovision et l'image de l'Eurovision ont évolué en Belgique. Il y a 20 ans, on envoyait au casse-pipe des chanteurs amateurs qui finissaient derniers. 20 ans plus tard, on envoie un des meilleurs groupes. Aussi un des plus célèbres de la scène musicale belge. Alors, j'ai beaucoup prêté attention, évidemment, à la chanson, d'autant plus que autour de moi, dans ma famille, mon mari, ma belle-mère, coucou Rosemary, et mes amis sont tous fans d'Overphonic. Leur première réaction, ça aurait été non, c'est pas vrai. Alors, si c'était vrai, c'était vraiment pour le Belge une nouvelle très surprenante. Et donc, tout le monde a écouté attentivement la chanson et les réactions ont toutes été les mêmes. À première écoute, moi aussi, nous avons trouvé la chanson vraiment très, très bonne, très représentative de ce que fait Overphonic, très représentative aussi de la scène musicale belge actuelle, une très, très bonne chanson. Et après la 10e écoute, tout le monde était d'accord pour dire que oui, la chanson était très bonne, mais il manquait quelque chose dans sa dernière partie, une sorte de tiroir musical, un effet de surprise, un crescendo ou quelque chose pour réanimer un peu le morceau qui, au bout de 2 minutes, a un peu épuisé tous ses effets musicaux. Et donc, la conclusion générale, qui est la mienne aussi, c'était que le morceau était un excellent morceau de concert, un morceau d'ouverture. Mais pour l'Eurovision, pêcher un petit peu sur le côté compétitif, sur le côté concours, sur le côté rude compétition des demi-finales et de la finale. Moi, en ce qui me concerne, j'ajouterai un élément supplémentaire, c'est personnel. J'ai toujours la nostalgie de Geik, qui était donc la chanteuse du groupe Overphonic il y a 20 ans, mais elle est restée pendant une longue période, qui est la chanteuse des premiers grands succès commerciaux, qui avait vraiment une véritable aura, une véritable présence, un véritable charisme qui, à mon avis, expliquait toute l'attractivité aussi du groupe que j'avais ressenti pour eux à l'époque. Ici, la nouvelle chanteuse, Luca, est aussi excellente dans sa manière d'interpréter les chansons et dans ses prestations vocales en direct, mais il lui manque un aspect un peu mystérieux, un peu magnétique. C'est encore une jeune chanteuse est encore un peu dépourvu de mystère. Voilà. Maintenant, la question reste en suspens. L'Eurovision ayant été annulée, est-ce que la Belgique et le groupe Overphonic seraient parvenus à se qualifier pour la finale? Je l'aurais espéré de toutes mes forces, mais je pense qu'avec une aussi bonne chanson, ils auraient pu y parvenir. Voilà ma conclusion. J'ai peur avant que ça se... Céder la parole, ah. Oui. Bah, vas-y, Naïm. Excuse-moi, avant de vous céder la parole, j'aimerais quand même vous poser une question à vous en tant que Français. Est-ce que avant cette Eurovision-ci, est-ce que vous connaissiez déjà Overphonic? Est-ce que vous avez déjà entendu des chansons du groupe et est-ce que vous l'appréciez? Moi, je dis Joker puisque bah, j'ai habité en Belgique 22 ans, hein, donc oui, je connais Overphonic. Mad About You, Overphonic, voilà. Enfin, moi, si ça m'évoquait personnellement, voilà, c'est... Après, je connaissais pas vraiment le reste de leur répertoire, mais ce titre-là, qui date d'il y a une quinzaine d'années, je crois, 2003-2005 à peu près. Voilà, c'est vrai que c'est voilà, c'est leur marque de fabrique. Enfin, à mon sens, enfin, pour nous Français, c'est le premier titre auquel on pense, c'est celui-ci. C'est un plus grand succès. Oui. Moi, je les connaissais comme le groupe que les Eurofans voulaient voir pour la Belgique, mais j'avoue que je n'étais jamais allée écouter ou prêter attention plus que ça. Pour ma part, je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, là, quand on a fait le Corovision sur l'Eurovision au quotidien, j'avais cherché. Et donc, voilà, je suis vraiment passé à côté. Donc, voilà. Je ne Mais connaissais vraiment pas du tout. Naïm a finalement bien résumé, parce que c'est vrai que c'est ce que j'expliquais aussi, parce que sur Parlons Vision, nous, bah, Overphonic, les gens comprenaient pas trop pourquoi on était là à dire mais c'est incroyable, rendez-vous compte, machin. Mais c'est vraiment comme enfin, si un chanteur français extrêmement établi aujourd'hui décidait soudainement de faire l'Eurovision. C'est pas voilà, c'était pas justement un groupe comme ça qui avait eu un ou deux succès. C'est quelque chose qui est justement très ancré en Belgique, qui a depuis très longtemps. Et je sais pas toi, Naïm, mais j'étais un petit peu soulagé quand j'ai entendu la chanson pour la première fois, parce que Overphonic, avec l'arrivée de Lucas, était, je trouve, parti dans un registre un peu plus pop qui m'inquiétait un petit peu. Et avec Will Smith, ils ont quand même retrouvé leur ADN qui était ce qui avait marché à l'époque en tout cas. Donc au moins ça m'avait. Bah, moi, j'avais toujours apprécié toutes leurs chansons depuis ces 20 dernières années. Les dernières qu'ils avaient sorties avec donc Luca comme soliste m'avaient plu aussi beaucoup. Romantique, notamment, m'avait beaucoup plu. Donc, j'avais pas de critique particulière quant à l'évolution récente du groupe. Et ici, cette chanson, effectivement, rappelle plus des succès antérieurs. Il y a effectivement, comme l'a dit Rémi, 15, 10-15 ans. Voilà. Mais à titre personnel, ça m'aurait aussi plu qu'ils choisissent un morceau comme ceux qu'ils ont sorti récemment. On va clôturer ce petit moment belgo-belge et on va laisser quand même la parole à nos trois amis. Nos trois amis pour voir un petit peu ce que vous avez pensé de Really Is Me. Cette chanson donc d'Overphonic, on va commencer avec Audrey. Mon avis va peut-être pas différer beaucoup de suite Naïm parce que je suis relativement en accord avec tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire que je connaissais pas le groupe, j'ai pas écouté, mais je savais que c'était un gros truc pour la Belgique que de les avoir eux pour l'Eurovision, à peu près aussi gros que d'avoir les Little Big pour la Russie concrètement. La chanson était très bonne à la première écoute, ça, il n'y a pas à l'enlever. Enfin, de toute façon, c'était le minimum auquel je m'attendais de la part d'un groupe comme ça dont on m'avait, enfin, dont j'avais autant entendu parler. Mais passer cet effet de bah, c'est super chouette, c'est un groupe qui était demandé depuis longtemps par qui était attendu depuis un moment un petit peu inespéré, bah en fait si on les traite à égalité avec tout le reste, sans les connaître derrière, bah en fait c'était enfin je commençais sérieusement à avoir des doutes de si ça allait pas faire à peu près le même flop que ce qu'il y avait eu avec Senec, comme ça qu'elle s'appelait, et Matter of Time. Qui, pareil, avait été super hypé parce que voilà, c'était une belle pièce, surtout qu'on était encore plus proche du moment où la Belgique s'était renouvelée avec Loïc Notet, ce genre de truc. Donc tout le monde était en mode ouais, ça va, c'est dans leur lignée, ils ont cartonné avec ça, ça va cartonner encore, ça va cartonner encore. Et au final, avec les scénographies qu'on connaît et compagnie. Là, voilà, en fait, au fur et à mesure, le truc, c'est que la chanson n'était pas extrêmement percutante à première écoute et présenter ça au milieu de 20 autres propositions, c'est pas dit que ça aurait eu les reins pour vraiment aspirer les votes, surtout qu'il me semble qu'ils étaient en première demi-finale, les Belges. Ouais, ça va Et... être enfin, compliqué. je sais pas, tu cales la Russie après ça, tu cales l'Ukraine. Non, l'Ukraine est en deuxième demi. Mais tu Non, non, cales elle était en première un gros demi, morceau. l'Ukraine. Non, non, il y avait tout le C'est monde en première l'inverse. demi. C'est l'Ukraine en première et la Russie dans la Non, deuxième. non, les deux sont dans la première, Oui. rassurez-vous. Hein, vraiment, c'était une Donc tu boucherie. cales Hein. l'Ukraine, la Suède ou n'importe derrière ça, ça peut être compliqué, hein. Enfin, c'était vraiment à double tranchant. Ça pouvait faire un truc à la Common Linnets comme ça pouvait faire un truc à la Sénèque. Et bon, je pense y en a un qui est mieux que l'autre, clairement. Donc voilà. Après, du coup, a priori, ils remplissent pour l'an prochain. À espérer qu'ils auraient. Enfin, peut-être qu'ils vont avoir entendu les critiques, je pense. Je le souhaite. Ça m'étonnerait qu'ils soient venus à l'Eurovision avec cet esprit de faire, d'être complètement obtus à ce genre de commentaires. Mais non. À voir l'année prochaine. Moi, j'ai bon espoir pour la Belgique l'année prochaine, mais cette année, j'avoue que ça aurait été une qualification sur le fil du rasoir, probablement. Ça aurait certainement dépendu, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, de la mise en scène. Et quand on voit à quel point Senec s'est fait flinguer par une mise en scène catastrophique, vu qu'on est un peu dans le même Après, ils style. ont 20 ans de métier, peut-être qu'ils ont un... Enfin, Sénèque a été débutante Oui, et bien vendeuse sûr. à IKEA, il me semble. Bien Bon, sûr. mais en mise en scène, qu'est-ce qu'elle y connaissait? Eux, ils avaient peut-être un peu plus de... Enfin, j'ai envie de croire qu'ils auraient fait quelque chose, parce que de toute façon, bon, qui s'attend à des crashs en scène? De toute façon, personne ne peut prédire ce genre de choses-là. Mais il Je aurait suis vraiment sûr. fallu que ça soit irréprochable, quoi. Je suis d'accord. Hein, normalement, Overphonic aurait pu mieux, un petit peu mieux jouer ça. Rémi. Eh bien, je rejoins mes collègues. Hein. C'est vrai qu'à la première écoute, c'est un titre que j'ai trouvé excellent et que je continue à trouver excellent. Pour moi, c'est un bijou de finesse et d'élégance. Il y a un côté envoûtant, il y a un côté velours qu'on retrouve effectivement dans la première partie, dans les titres de la première partie de la carrière d'Overphonic. Bon, après, comme tu le disais, Michael, ils ont pris un tournant un peu plus pop et je trouve que j'apprécie également, mais je trouve bien qu'ils soient revenus à cette identité première et c'est ce qui fait le charme de cette proposition. Après, effectivement, le risque avec ce titre, c'est effectivement son manque de décollage de crescendo, comme disait Naïm. Effectivement, pour un concours tel que l'Eurovision, la composition est peut-être un peu trop linéaire à mon sens. Ce qui rend, on va dire, la proposition dangereuse pour un espoir de qualification en finale. Après, comme je le disais dans mon commentaire sur le conseil de classe, effectivement, l'enjeu, mais comme c'est l'enjeu de toute. Tous les titres qu'on peut entendre au concours, c'est la mise en scène. Si tu réussis à faire une mise en scène qui sublime le titre, hein, ça peut très bien passer et ça peut très bien envoyer le titre. Hein, ça aurait pu envoyer le titre assez haut dans le classement, je pense. Par contre, hein, si la mise en scène est foireuse, hein, comme hélas ça a été le cas ces 2 dernières années, pour la Belgique. Alors là, soit on est sur une qualification suffit du rasoir, comme le dit Audrey, soit le risque, c'était une élimination en demi. Mais c'est un titre comme je le disais, je continue à trouver excellent. Et c'est, à titre personnel, un des trucs que j'aime le plus sur cette édition de 2020. 2019, je crois quand même que malgré le fait que j'aime beaucoup la chanson, il y avait d'autres soucis que la mise en scène. C'était tout un package Oui, qu'il n'avait c'est pas un vraiment réussi. ensemble. Qu'il n'avait Mais pas la mise en vraiment. scène n'a pas aidé quand même. Alors c'est sûr, la mise en scène, j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qu'il faisait là? Mais bon, que voulez-vous? Mais j'avais trouvé par contre, Audrey, c'est vrai que la comparaison avec les Common Linets était intéressante parce que finalement, quand on y regarde de plus près, il y a les Common Linets avant l'Eurovision étaient tous là à dire oui, bon, bah, la chanson elle Et décolle personne ne jamais. les Elle attendait, hein. décolle Enfin, on jamais, était on en mode c'était s'ennuie. excellent. Et ils ont créé un live. Donc là, on Non, aurait bah peut-être pu. moi je reconnaissais que c'était excellent, mais j'étais en mode est-ce qu'ils vont défendre ça? Surtout que les Pays-Bas, ils avaient eu un éclair de génie sur Anouk, mais les Pays-Bas tout avant, c'était Bah pas des oui. éclairs de génie réguliers, hein, mais Et ils ont fini deuxième. et pourtant ils ont réussi à transformer le truc et à vraiment révéler tout son potentiel en live. C'est pour ça que des titres comme ça, que moi j'appellerais des titres un peu de niche par rapport à l'Eurovision, parce que bah, c'est pas Andromeda ou des aspirateurs européens comme ça, bah, des titres de niche, ils peuvent pas se contenter d'une mise en scène bien. Il faut que ça propulse le truc, sinon il y a pas, sinon ça accroche pas sur les 3 minutes pour le lambda ou pour les Eurofans. Ils ne peuvent pas se contenter de juste un truc OK, qui fonctionnera sur des trucs quelque chose, enfin des grosses soupes suédoises ou russes ou n'importe. Là, ça suffira de faire des trucs OK. Pas sûr ça. Et c'est vrai que pour le coup, The Common Linets en live à Copenhague, c'était juste sublime. Enfin, je me C'est rappelle quand incroyable. j'avais découvert en demi, ça avait été l'effet waouh, quoi. Vraiment. Alors que jusqu'alors, le titre m'avait pas plus embarqué que ça, quoi. S'il y en a qui avaient trouvé les colonies formidables avant le live, bah chapeau parce que vous étiez vraiment des avant-gardistes. André, ton avis sur Release Me? Moi, je suis passé un peu à côté de toute cette hype d'Eurofans. En gros, je ne savais pas du tout que les Belges voulaient absolument de Overphonic. Donc, je peux comprendre que c'est un mauvais Eurofan, honnêtement. Donc ça me permet en tout cas de juger sans a priori, sans connaître leur univers, sans rien du tout. Et je vais rejoindre Naïm sur le fait qu'effectivement, ça manque à quelque chose. Et moi, il m'a pas fallu 10 écoutes Pour m'en rendre compte, honnêtement, dès la première, j'ai eu ce sentiment que c'était plat. Voilà, je suis désolé, je vais me faire tabasser par les Belges. Mais voilà, j'ai vraiment pas du tout accroché. C'est vrai que le début, on se dit, ah, c'est pas mal et tout ça. Et puis on se dit, mais est-ce que ça va décoller un moment? Et pas du tout. Et ça manque, enfin, ça, c'est cruel hein, pour cette chanson qui a un énorme potentiel, qui est plutôt bonne, mais qui, voilà, en plus, manque de peau pour la Belgique. C'était en première demi-finale. En plus, en fonction de l'ordre de passage, elle aurait pu être totalement éclipsée par un pays. Alors, je ne sais plus dans quelle moitié elle était et avec qui, mais voilà, il y avait quand même, je pense, des prestations en première demi-finale qui allaient marquer. Et je pense que voilà, là, on n'était pas parti pour marquer. Alors, peut-être que la mise en scène aurait été extraordinaire et de faire d'une chanson un petit peu moyenne extraordinaire. Enfin, c'est dans un univers totalement différent, mais par exemple, l'Australie, je pense que personne n'aurait pensé l'an dernier que la mise en scène fasse waouh. Voilà, donc, on est sur un registre différent, mais voilà, il y a toujours cette surprise de la mise en scène. Mais disons que ces dernières années, la Belgique, la mise en scène, ce n'est pas leur fort. Il faut reconnaître que même Blanche, aussi extraordinaire que sa chanson était, on peut pas dire que la mise en scène était la plus ouf du monde. Ça Voilà. suffisait pour cette Et chanson-là, je trouve. pardon? C'était utile avec la C'était chanson moyen, qu'il y avait, voilà, je trouve. c'était Il y pas avait c'était quand pas même. le problème, c'était que la Voilà. chanteuse, elle était pas très à l'aise dessus. Voilà, oui, Elle était c'était ça. encore, C'était un elle mix de était tout. vraiment, genre, elle était pas prête pour ça. C'est dommage parce que la chanson était excellente, hein, bien meilleure que Release Me. Hein. Mais voilà, donc c'est ce côté un peu décevant. Et sur la mise en scène, ouais, c'était ça qui me. C'est vrai que je rejoins mes confrères, c'est. Tout de suite, je pensais à Sénèque. Je ne sais pas Oui, pourquoi, bah mais oui. je voyais le crash arriver avec une scénographie complètement loupée, où au final, voilà, à la fin, on se dit, ah oui, tiens, ils ont chanté eux. Voilà, donc peut-être sauvés par les jurys, parce que je Vous trouve que c'est espérez. des excellents musiciens et interprètes, on va dire, mais je voyais mal le téléspectateur s'extasier devant et voter quand on sait la concurrence qu'il y avait. À un moment donné, c'était normal qu'on pense tous à Sénèque. Je pense quand même que si on grossit extraordinairement le trait, c'est deux chansons de James Bond, hein, globalement. Si on vraiment on y va, Oui, voilà, c'est si on met les pieds je dans vais le pas le plat et dire, mais oui, qu'on effectivement. généralise, hein, bien sûr. Après, il y a des finesses, hein, tout ça, bien sûr. Mais elle jouait plus ou moins dans la même cour quand même les deux. Donc moi, c'est ce qui m'avait. Je suis comme. Vraiment pas que Release Me fasse titre de James Bond. Hein. Il n'y a pas tant de Là, il y cubes a un que petit ça, et air la de voix, James là Bond aussi. derrière, on trouve un petit peu la Sheryl C'est quand Crow, même beaucoup dans le film dans plus lequel. stylé. Enfin, c'est Rémi qui a parlé de début en velours, mais c'est vraiment plus. Ouais, James Bond, c'est un peu plus pompeux, quoi. Oui, bah enfin c'est pour ça que j'ai bien dit Mais que après, j'avais la bien dit que je Belgique, par grossissais le contre, je pense trait. qu'elle a jugé parce que depuis Loïc Notay, genre la Belgique s'est clairement mise sur cette case et ce registre-là de faire, enfin, comment dire, de pas essayer de coller au moule Eurovision et de vraiment faire appel à, enfin, je sais pas comment exprimer ça sans dire des trucs complètement débiles, mais d'appeler voilà des pros et de les laisser faire leur univers. Et il y a pas mal de cette scène-là en Belgique, j'ai l'impression. Je sais pas comment vous la qualifieriez, alternative, je sais Oui, pas, après peut-être faux. pas. Non, Mais c'est la. du coup, j'ai du mal à gérer parce que maintenant, dès que je vois une chanson dans ce registre-là, je suis en mode ah bah oui, c'est trop bien, c'est pas de la pop naze, c'est vraiment bien. Alors qu'en fait, bah non, c'est juste différent et c'est bien que ce soit différent, mais la chanson est pas forcément bien en elle-même, mais j'ai du mal à être objective dessus maintenant. Après, Je sais pas si je suis la seule dans ce cas. faut faire attention quand on juge la Belgique dans sa globalité, parce que comme je l'ai dit, ça alterne chaque année. Et, par exemple, la RTBF, qui est le diffuseur francophone depuis 2013, fait à chaque fois appel à des gens qui ont fait The Voice l'année d'avant. Donc des débutants en fait, c'est ça qui est assez. Ce qui fait que personnellement, encore une fois, je trouve que Loïc Notay est encore plus dingue de voir qu'il avait 18-19 ans à l'époque où il a fait Vitamin Side. Mais c'est pas encore pareil que les Flamands, nos amis néerlandophones, qui sont un peu. Ils tâtonnent et là ils avaient enfin le groupe qu'ils voulaient, mais il reviendra l'an prochain. Mais même pas parce que. Ah non, oui, non, bah ouais, non, pardon. Effectivement, toutes les années auxquelles je pense, c'est celle de la RTBF. Bah, attendons de voir. Mais du coup, oui, question, mais l'année prochaine, du coup, c'est la VRT qui gère ou c'est la RTBF qui a repris Overphonic? Ils ont décalé l'alternance, je C'est crois, la de VRT qui Nantes. continue, je crois. Tant mieux parce que j'arrive jamais à me rappeler que le côté français fait les trucs impairs. À chaque fois, je confonds, donc au moins, ça sera en phase maintenant. Voilà. Parfait, je remercie la Belgique de s'adapter à mes problèmes de. Mais bref. Pense que fin des années 90, début 2000, c'était compliqué parce que la Belgique ratait environ un Eurovision sur deux avec ses histoires de relégation. C'était un bordel. Pour savoir qui s'occupait de quoi, c'était n'importe quoi. En tout cas, écoutez, je pense qu'on a. bien donné. Si quelqu'un veut encore rajouter quelque chose, il peut, mais là, je pense qu'on a bien mis les bases hein, sur Will Smith de Douleur Phonique. Je pense qu'on sera pas trop déçus de les retrouver l'année prochaine, encore une fois. Maintenant, évidemment, ça va être le cas pour tous les pays dont on va reparler et qui reviendront l'an prochain avec le même artiste. Il y aura forcément une comparaison, hein, ça c'est garanti. Pour certains, elle sera forcément flatteuse parce que leur chanson de cette année n'était pas bonne. Pour d'autres, ça pourrait être un peu plus violent. On se retrouvera Il y en a demain. des pas bons cette année qui remettent le couvert? Comment? Il y en a des pas bons de cette année qui remettent le Bah couvert? vous, la majorité des gens trouvent que la Croatie c'est très mauvais, donc oui. Enfin, il va peut-être revenir, Ah oui, il remet le couvert, oui. c'est pas encore garanti. Mais tout le monde trouve que la Croatie c'est très mauvais, alors, je comprends pas. Mais il y en a, à mon avis, il y en a quelques-uns de toute façon qui vont revenir et c'est vrai que voilà, ce sera peut-être pas simple pour eux. Demain, là, on restera dans quelque chose comme voilà, Audrey, tu avais qualifié par exemple un petit peu alternatif. Demain, c'est à Lituanie. Donc là, on fait niveau alternatif Eurovision, on est servi. Très clairement, et je pense que nous aurons des avis plutôt favorables. En tout cas, je l'espère. On se retrouve demain. À la prochaine. Ciao, ciao!